Mimi la douce, Rimo Makengo, je fais sa maman la tani en concert. Assam. Ma fe cotier, ma katia mboka, mon tema ya tonton Sam, et silikoyinda. Alandaka maloba et kosamaki Eva. Yakambuma bape kisa mama. Tala bolingo na biso e koti nzube. Nalemyo Nakende na poto e kuluka la vinanga. Natika na kini mwasi na bala na mbongo. Mikanda na komaka jete mezanga kate. Mpapande na tindaka beze zanga kate. Masta bakita kini mala forme na lopate. Tala sama komina e infidèle. Nalembio. Oh oh oh oh. Petit tango modèle mama. Salami. Préféré tous à la ngambo na ngambo pour respecter Zala, Jackie Maria. A la mosiko yo touti et beba, awa mignou. Tous en gala lissousou, va passer à Koloba. Nazongela lissousou. Mo banana nga na koyo kasoni moke na mama papa na yo pona sala yo mami soki bakolulanga ezali mabete moninga soki na ebani na bato ezali problem to selisa maloba. Préféré tous à la ngambo na ngambo pour respecter Zala, Jackie Maria. A la mosiko yo touti et beba, awa mignou. Tous en gala lissousou, va passer à Koloba. Nazongela lissousou. Banananga, na koyo kasoni moke na mama, papa na yo, pona sala yo mabe. Soki bakolulanga, ezali mabete moninga. Soki na ebani na bato, ezali problem to silisa maloba. Nakobanga kaka, malade oyo. Batina na mokili kisite Zuya yo belchiken Lobi na lobi yo na ye na bakote Olingi yo sangisanga na ye Suka kuna mama Naboy na kufa lokola soso Lobi base kanga na bato. Yeah, yeah, yeah, yeah, ma, yeah. Maïma.